Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, sixième chapitre, deuxième paragraphe. Nous devons l'obéissance à Marie en ce qui concerne la pratique des vertus. Une mère légitime a droit d'exiger de ses enfants non seulement qu'ils se gardent du mal, mais encore qu'ils pratiquent le bien. Le jardinier qui consacre tous ses soins à la culture de son jardin, veut non seulement qu'il ne produise point de fruits venimeux, mais de plus qu'il en produise de bons et dignes d'être placés sur la table du père de famille. S'il se trouvait quelque arbre qui, tout en ne rapportant pas de mauvais fruits, n'en donnerait pas non plus de bons, il n'aurait d'autre sort que d'être coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19. On comprend d'après cela ce que Marie demande de nous. Elle veut que nous soyons justes, et la justice ne consiste pas tant à s'abstenir du mal, qu'à faire le bien. Psaume 26, 37. On ne peut donc se contenter de fuir, par amour pour elle, et le péché et le danger de le commettre, il faut de plus s'efforcer de faire le bien. Et quel bien devons-nous faire en qualité d'enfant de Marie? Nous devons tâcher, pour autant que notre fragilité nous le permet, d'imiter ses excellentes vertus. Elle peut, avec beaucoup plus de raison que l'apôtre, nous dire au cœur, Philippiens 4, 9, « Efforcez-vous, mes enfants, de pratiquer ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez entendu dire de moi, et ce que vous avez vu en moi. Oh que nous serions sains et parfaits, si nous faisions tous nos efforts pour suivre les exemples de Marie, notre mère. Faisons-le donc. Nous avons dit en passant quelque chose touchant l'imitation des vertus de Marie dans la première partie, maintenant nous traiterons brièvement de quelques-unes des principales et des plus importantes vertus à imiter. Section 1. Imitation de l'humilité de Marie. Je ne m'arrêterai pas ici à démontrer quelle fut l'humilité de la très sainte Vierge. Le lecteur pourra revoir ce qui en a été dit dans la première partie. Nous ne parlons maintenant que de l'obligation de l'imiter dans cette vertu si nécessaire. Que servirait-il, dit saint Augustin, d'invoquer Marie du bout des lèvres, de lui protester en parole que nous sommes ses serviteurs, si nous n'avions soin de suivre les exemples d'humilité qu'elle nous a donnés. Saint Augustin, Sermon 2 de l'Assomption. Il pourrait s'en trouver qui voulussent se dispenser d'imiter Marie dans toutes les autres vertus, sous prétexte qu'elles sont inimitables, mais pour ce qui est de l'humilité, quelle excuse apporterait-il? Vous ne pouvez pas, dites-vous, être vierge comme l'humble Marie, soyez au moins humble comme la Vierge Marie, dit saint Bernard. Dirons-nous que nous sommes misérables, fragiles, faibles, remplis d'iniquité, portés au mal dès notre enfance? Eh bien, c'est précisément là le plus puissant motif de nous humilier. Mais je suis orgueilleux par inclination et par habitude. Vous êtes orgueilleux? C'est de cela que vous devez vous humilier. Je ne crois pas qu'il y ait rien de plus humiliant pour l'homme que d'être pauvre et orgueilleux. Notre orgueil même sert de fondement à son contrepoids qui est l'humilité. Ah que nous avons bien plus de motifs de nous humilier que n'en avait Marie, si l'on accepte sa dépendance à l'égard de Dieu, comme créature, dépendance en vertu de laquelle elle devait reconnaître tenir de sa main libérale tout ce qu'elle voyait de grand en elle, Marie n'avait ni ne pouvait avoir aucun motif de s'humilier. Mais nous, combien n'en avons-nous pas? Outre que nous tirons notre origine du néant, que d'inclinations perverses en nous. Outre ces inclinations, que de péchés commis par nous. Que d'ingratitude dont nous nous sommes rendus coupables envers la divine bonté. De quelque côté que nous nous tournions, nous ne découvrons que des sujets d'humiliation, en sorte que si la Vierge par excellence nous surpasse en toute autre vertu, nous devrions à notre tour la surpasser en humilité. Heureux si nous pouvions y réussir, mais cela ne sera jamais, j'en ai la persuasion. Je me contenterai d'une petite partie de l'humilité de Marie, ne fût-ce que la centième, ou même la millième partie, elle suffirait, j'en suis sûr, pour m'élever au rang de ses imitateurs et de ses disciples les plus fidèles. Nous ne parviendrons jamais, quelque motif que nous ayons de nous abaisser, à égaler l'humilité de Marie, tâchons du moins de l'imiter autant qu'il nous est donné de le faire. Soyons humbles, mais humbles de cœur, à l'imitation de Marie, comme dit saint Ambroise. Et que veulent dire ces mots, humbles de cœur? Cela veut dire qu'il ne faut pas seulement reconnaître sa propre faiblesse et avouer sa misère, mais encore aimer l'abjection qui en résulte. Connaissons, oui, connaissons notre souveraine misère, tâchons de pénétrer autant que possible dans cet abîme d'iniquité, Nahum 5, 14. Allons jusqu'au fond si nous le pouvons, Psaume 136, 7. Que trouverons-nous au fond de nous-mêmes? Hélas, si nous voulons mettre de côté tout ce qui n'est pas à nous, tout ce que nous avons reçu, nous y trouverons le néant. Toutefois ce serait peu encore, nous y trouverons quelque chose de pire que le néant, c'est le péché, voilà la seule chose que nous possédions sans l'avoir reçue. Pourrions-nous nous en glorifier? Mais alors nous entendrions retentir à nos oreilles ces paroles, Psaume 41, 3, « Comment oses-tu mettre ta gloire dans la malice, toi qui es puissant dans l'iniquité ?» Si le Seigneur nous a fait des grâces, elles sont à lui, nous n'avons pas droit de nous en glorifier, mais comment y avons-nous correspondu? Oh combien de fois n'avons-nous pas reçu la grâce de Dieu en vain? 2 Corinthiens 6, 1. Quelle autre raison bien forte de nous humilier devant Dieu? Ainsi nous avons en nous et sans chercher ailleurs, des motifs presque infinis de nous humilier et de confesser notre misère. C'est encore trop peu, jusqu'ici nous n'en sommes qu'à l'humilité spéculative, qui peut se trouver aussi dans Lucifer. Il faut nécessairement l'humilité pratique, l'humilité du cœur, qui consiste à aimer sa propre abjection. De quelle manière l'aimons-nous? Évitons-nous soigneusement de paraître, de faire connaître ce qu'il y a de bon en nous, comme le faisait Marie? Sommes-nous avides d'occuper les dernières places, comme l'était Marie? Oh que nous sommes loin de là! Nous ne désirons rien tant que de briller dans le monde, de nous distinguer des autres, de nous faire un nom, de nous attirer des éloges et des applaudissements. Rien ne nous est plus en horreur que de paraître vils et misérables. Rien ne nous coûte autant que de demeurer à notre place, que d'être obligé d'occuper les derniers rangs parmi les êtres raisonnables. Nous n'avons dans la bouche que ces mots. Je m'élèverai, je deviendrai semblable au Très-Haut. Isaïe 14, 13. Ah s'il en est ainsi, nous sommes des enfants bien différents de notre mère. Marie pourra-t-elle nous reconnaître pour ses enfants? Les enfants de Marie, ce sont ses imitateurs, mais nous, au lieu d'imiter l'humilité de Marie, nous prenons pour modèle l'orgueil de Lucifer. À qui donc serons-nous jugés appartenir? Craignons d'entendre un jour ce qui fut dit aux Juifs, « Votre Père, c'est le démon », Jean 8, 44. Dieu nous préserve d'un semblable malheur. Pour cela attachons-nous, le plus que nous pouvons, à devenir humbles de cœur, humilions fortement notre esprit. Si nous sommes les compagnons de Marie dans ses humiliations, nous pourrons espérer de l'être aussi dans sa gloire, Celui qui aura été humilié sera dans la gloire, Job 22, 29, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé, Luc 14, 11. Markandanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.